On a eu l'entuquement de la reine qu'on a essayé de scraper. En fait, les trois membres de Femen du Québec, c'est tout le temps trois mêmes, hein, je veux dire, ils font partie des tétines que j'ai trop vues dans ma vie, là. C'est une féministe cheap, là. Ah, oui. Essaye de se donner de l'importance. Mais tu sais, ils ont le droit d'avoir l'opinion qu'ils veulent. Là. C'est juste qu'on n'est pas en Corée du Nord, ici. Là. C'est parce que des tribunes, il y en a partout. Tu sais, le point était bon pour Agnès Maltais avant la pause. Il est bon pour des femmes qui pensent que les duchesses, c'est de l'esclavagisme. Puis de, tu sais, il manque pas de micro au Québec. Hein. Manque pas de caméra, manque pas d'émission. Pas besoin d'aller faire de la pollution visuelle devant des familles. Là. Ouais. Pas besoin de faire ça, là. Puis, dans le sac de sympathie ce matin, pour les tétines des femmes, j'ai absolument rien. Quand tu te comportes comme une imbécile, ça se peut que tu te fasses traiter d'imbécile et que tu te fasses traiter comme une imbécile. Elle se plaint que... Hey, on s'attendait pas à passer 3 heures au poste de police. Mmh. Ben oui, mais tu promènes les seins tout nus à travers des enfants. D'après toi, il va se passer quoi, là? D'après toi. Je te répète la question. La reine ou la femaine? Je vote reine. Oui, je vote reine. Je vote reine. Elle est belle en tabarnouche, là. Oh, c'est une belle fille. Belle fille, ben oui. Beau sourire. Son père, là, mais c'est une belle fille. C'est une belle fille pareille. Ben oui, ben oui. Je te souhaite une belle fille si un jour t'es père d'une fille. Ben, même là, on a une assez belle fille, je te dirais. Oui. Oui. Oui, oui, oui. Effectivement. Oui. Hey, c'est vrai. Puis tabarnouche. D'ailleurs, t'en parles, là. Quand, oui. quand je les ai vus, il y a quelques mois, elle a fait un Christy de saut, là. Ben, c'est parce que la fille de ma blonde, qui a 16 ans, elle me dépasse, là. Ouais. Puis le gars de ta blonde, il est devenu une rockstar dans le temps de le dire, là. Ouais, lui, c'est hein? ça, lui. C'est parce que. Avec son discours un peu à gauche et ses tartes. Oui, oui, mais, tu sais. C'est ça, on a je n'entendais parler beaucoup, mais la dernière fois, je l'avais vu. Oui. Il était trop jeune pour avoir un look. Tu comprends-tu ce qu'on veut dire? Encore un enfant plus qu'un ado jeune adulte. Mais quand j'ai vu la rock star, ouais, mais... j'ai fait un Christy de saut. Sais-tu ce qu'il fait? Sais-tu ouais. comment il barre ses décisions? Hein? Il prend ce que moi je fais, puis il fait le contraire. Parfait. Avec ça, le réflexe. Autant sur l'habillement que sur les idées politiques. N'importe quoi, là. Il me demande mon char, par exemple. Ça, c'est une autre affaire. Là. Ben là, hein. Mais, Ah, mais ça pollue pas ton char, non? C'est correct quand c'est non, ça? Non, c'est ça. Okay. Tu sais, mais c'est encore un peu un ado, là. Mm. Mais... Parlant de manifestants qui sont pas à bonne place au bon moment, de manque de savoir-vivre et de manque de goût, c'est arrivé dans notre cours à Québec vendredi, là, avec les tétines des femmes. Oui. Mais c'est arrivé au Super Bowl hier. Oui.